À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le journal britannique The New Vulcan, le journal vénézuélien B1, le homepage d'Internet de l'Institut du Kim-il-sunisme Kim-jong-ilisme, le homepage de Russie Klassovaya Boriba et le homepage d'Internet du Centre d'études des Aides du Tse du Brésil ont dénoncé les crimes de guerre des Américains en Corée.